Daniel Bougnou, pardon, d'abord. C'est pas Philippe Ratte. Oui. Daniel Bougnou, vous êtes professeur émérite à l'université Stendhal de Grenoble, Grenoble 3, et de Grenoble dont vous arrivez ce matin. J'arrive de Montpellier, oui, c'était compliqué. Ah, Montpellier. Pas le choix. Et vous avez intitulé votre intervention « L'humanité en partage ». Oui, ça correspond à une vieille préoccupation que je vais m'efforcer de développer brièvement en parcourant un champ ouvert par François et qui me paraît extrêmement fertile pour cette problématique. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur l'autoréférence. Et donc, j'ai été capté, fasciné par ce fait troublant pour un intellectuel qu'on ne peut pas penser sa propre extériorité. C'est-à-dire on est pris dans des boucles récursives et auto-renforçantes de culture qui font que tout ce qu'on pense, finalement, confirme notre façon de penser. Et donc, le défi de l'hétérotopie, de l'extériorité, de l'autre culture, est évidemment majeur et toujours reposé, toujours en défi, en chantier, face à nos efforts pour sortir. Et comment sortir? Alors, mon premier point sera donc culture-clôture, c'est-à-dire pour donner quelques éléments de justement cette configuration ironique et décevante qui fait que toute culture fonctionne comme une clôture. Bien sûr, on dit avoir de la culture, c'est être ouvert, mais toute culture fonctionne d'abord et vitalement comme une, et par une loi d'organisation, comme une clôture. C'est pour moi le point de départ le plus évident. Il faut des frontières à l'individu comme au collectif. Il faut nouer le nous. Alors en effet, François s'en souvient, un colloque entre médiologues sur le nouage du nous, et évidemment tout cela se rebrasse pour moi de nos réflexions médiologiques sur les frontières, le nous, etc. Bref, le nouage du nous, c'est toujours une clôture pourvoyeuse de constance, d'identité, de consistance, d'identité pour l'individu sujet autant que pour le nous sujet. Donc cette fermeture du vivant est ontologique. Et tout ce qui aspire à persévérer dans son être ne peut le faire qu'à travers la reproduction d'une forme évidemment définie, et donc pas infinie ou indéfinie, nettement circonscrite, identique à elle-même au cours de ses propres transformations. Et la notion de propre est évidemment un des mystères de notre condition. La notion de chez-soi, la notion de proximité-propriété, c'est évidemment le mystère cardinal pour la pensée. Et donc, en vertu de cette assignation à propriété et à nouage, il est très difficile de promener au dehors un regard équitable. Regarder par-dessus la clôture pour regarder les autres comme nous nous regardons nous-mêmes, c'est presque impossible. Donc il y a un chauvinisme constitutif, un narcissisme de vie, diraient d'ailleurs les psychanalystes, un narcissisme indéracinable qui associe à notre territoire et à notre monde propre une valorisation spontanée et vraiment une préférence irrépressible. Comment admettre l'égale valeur et dignité des cultures, par exemple? La préférence nationale, je crois, le narcissisme des petites différences, pour l'individu comme pour le nous ou le groupe, vont de soi, je crois. Donc ces questions touchent au point de l'autoréférence, qui est la clé de voûte de tout organisme vivant. Comment voir dans l'autre un jeu à part entière, un sujet à part entière? Comment considérer que les cultures sont d'égale valeur ou d'égale nécessité pour chacun? Toute culture fonctionne comme cette clôture vitale, loi de toute organisation, et vous savez que dans les civilisations antiques, eh bien, les clôtures des haies, les clôtures des champs, sont parfois surveillées par des petits dieux, et que même les dieux ont la fonction essentielle de garder les enclosures, les haies et les clôtures. Et la vie bonne, on le sait aussi par la peinture, dans la Renaissance, la vie bonne, c'est toujours le locus amoenus ou le hortus amoenus, c'est-à-dire la vie enclose dans le jardin d'Éden, puis ensuite la reconstitution du jardin d'Éden. Éden voulant toujours dire au fond espace clos. Cette condition transcendantale de notre organisation pèse sur toutes nos velléités, toutes nos pensées qui voudraient sauter par-dessus le mur. J'aime bien aussi la pensée de Sloterdijk, qui au fond me confirme dans cette organisation. La trilogie des sphères, des bulles, eh bien, Sloterdijk argumente à quel point chaque vivant ne voyage jamais que dans sa propre bulle. Et les reconstitutions de bulles sont fascinantes à observer, y compris dans le tourisme que François Julien examine avec parfois raillerie, et il a bien raison, n'est-ce pas ? Le touriste est quelqu'un qui veut être ailleurs, mais ailleurs à condition d'être partout chez soi. C'est même condition d'hôtel, de confort sanitaire, de confort alimentaire, et donc on accepte de sortir, bien sûr, mais dans sa bulle, et par reconstitution de bulles successives. Donc, à travers ce préambule, je voudrais donner à penser que la notion de sujet, la notion de monde propre et la notion d'autoréférence sont évidemment très corrélées dans l'écho ou la médiologique circulaire et autocentrée du vivant. Vous connaissez tous cette page de Pascal. Pourquoi me tuez-vous ? Et quoi, ne demeurez-vous pas de l'autre côté de l'eau ? Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc chacun enfermé dans sa finitude demeure plus ou moins sourd et aveugle au monde propre des autres. Jusqu'à un certain point, on peut communiquer et comprendre ce monde, mais on ne peut les partager à fond. On ne peut les partager, cette connivence ou ce fond d'entente dont parle si bien François, eh bien demeure circonscrit. Il est très difficile d'avoir le fond d'entente des autres choses. Très obscur ce fond d'entente, ça veut dire que quels que soient nos partages géographiques, au fond de part et d'autre des frontières, l'histoire fait des dépôts différents. Le temps fait des accumulations différentes de strates qui font ce fond d'entente. Être français, c'est avoir ce fond d'entente, bien sûr, qu'on enseigne par la littérature, qu'on enseigne par l'histoire, qu'on enseigne par les fables, la musique, etc., la religion. Et au fond, cela fait une sédimentation qu'on appelle au final un monde propre. Alors, pour déplacer le sujet, un bon exemple de cette clôture est fourni par le genre sexuel. Là aussi, il y a un partage très difficile à franchir. Et au fond, être homme sépare assez fortement des valeurs d'être une femme, et inversement bien sûr. Et les gender studies soulignent aujourd'hui ce partage, là où précédemment, et de façon un peu étourdie, on pensait qu'il y avait une nappe à peu près lisse, et que l'humanité résorbait les petites différences entre les hommes et les femmes. Eh bien, l'humanité en partage veut dire qu'elle est d'abord partagée par les sexes et qu'il y a effectivement ce dénivelé très difficile à franchir. Et le cas le plus évident, et c'est là que je vous en viens bien sûr, c'est le cas des langues. Et c'est là-dessus que François Julien est le plus incisif et éclairant. Du sein de ma langue maternelle, j'ai très peu de moyens d'accéder au fond d'entente des autres langues. Et rêver d'une langue commune à l'humanité, un espéranto ou un anglais globish, ne serait pas pour cette humanité un enrichissement, au contraire sans doute. Et donc c'est la problématique ou la question de Babel qui surgit. Babel est sans doute insurmontable, et j'ajouterais, on pourrait dire sans doute, Babel est souhaitable. Parce que, alors revenons à la page célèbre de la Bible, n'est-ce pas ? Regardons cet épisode. Souvent, on le lit comme une punition, une réaction de colère d'un dieu jaloux. Les hommes ont voulu escalader le ciel et Dieu les a foudroyés de plurilinguisme. Mais Dieu, dès le début, crée par division, le jour, la nuit, l'eau, la terre, etc. Eh bien, la division babélienne des langues n'est pas une malédiction, mais une chance ou une relance de la première genèse, c'est-à-dire l'injection d'une diversité symbolique, diversité de langues, qui enrichit l'humanité bien loin de la punir ou de la brimer. Une seule langue, un seul outillage symbolique serait évidemment insuffisant pour cartographier l'infinie diversité de ce qu'on appelle le réel. L'inépuisable variété d'un monde physique et qui engendre nécessairement la pluralité des cultures et qui engendre des différences sans commune mesure. Donc si le réel, c'est, mot du psychanalyste, l'impossible à symboliser, eh bien, la pluralité incalculable des langues et des esquisses symboliques constitue un progrès sur un monolinguisme. Il faut donc préférer Babel à tous les mythes d'une commune langue primitive. autant qu'à la peu engageante perspective d'une monoculture finale. Cette clôture linguistique propre à chaque idiome, à chaque monde propre, renforce le cercle autoréférentiel de ce que l'on appelle culture, et cette insurmontable babélisation de notre condition aiguise le problème de la communication. Alors moi, j'ai eu ma carrière dans les problèmes de communication, non pas sur un plan, disons, pratique de consultant, mais j'ai essayé de théoriser pour l'université et la recherche cette montée en puissance des thèmes de la communication et tout ce que ça implique à la fois de malentendus et d'ouverture, de promesses, de jeux. Alors, bien sûr, la communication, c'est l'ardente utopie de notre époque. Elle est devenue évidemment un objet de raillerie, puisque la frénésie de communiquer, donc d'un commun sous-jacent aux différences, envahit nos pratiques culturelles, et au fond, la communication, c'est l'idéologie de la sortie des idéologies, c'est l'idéologie de la sortie des guerres, l'idéologie peut-être aussi de la sortie des goûts, s'il y a une guerre du goût, et si les goûts se font la guerre. Et donc, il faut bien sûr congédier ce mot fourre-tout, ce mot trop rapide de communication, mais il faut bien sûr le caractériser par dialogue et traduction qui remplaceront cette notion prostituée et qui aiguiseront la question de savoir quel est le commun d'une humanité désormais plurielle. Alors, ce problème, cette question essentielle à notre époque, n'est pas évidente ni pour Aristote, ni pour Descartes, ni pour Kant, vous le savez. Les philosophes n'ont pas soupçonné qu'ils pensaient en langue. Ce point est absolument évident et extraordinairement éclairant. Ils n'ont pas soupçonné qu'ils pensaient à travers un lexique et des grammaires qui façonnaient leurs catégories. Le doute de Descartes est hallucinant, parce que Descartes doute de tout, sauf de sa langue vernaculaire. Ce qui est quand même incroyable comme contournement de l'obstacle principal. Il aura fallu le travail de pas mal de générations d'anthropologues, et bien sûr le décentrement historique que nous vivons aujourd'hui, où le pôle du monde glisse sur la map monde, pour être devant cette évidence qu'il y a des langues qui ont peut-être quelque chose à nous apprendre d'autre que nos propres catégories. Et ceci, bien sûr, aiguise la question de l'universel, qui ne se donnera plus les facilités d'un sujet transcendantal qu'ancien ou cartésien. Donc, il s'agit de refuser, et là je cite quasiment François, autant le survol béat d'une culture hors sol, c'est l'illusion touristique, n'est-ce pas, le survol heureux, en orbite, ou bien alors, oui, énumérons le slogan des sans frontières, n'est-ce pas, les touristes sont sans frontières, les terroristes bien sûr sont sans frontières, les financiers sont sans frontières, mais les vétérinaires, les médecins, les pharmaciens, les ingénieurs, tout le monde aujourd'hui est sans frontières, il y a une espèce de slogan d'époque autour de ce sigle SF. Mais donc il s'agit à la fois de récuser ce sans-frontiérisme béat, ou du moins fastoche, et puis récuser bien sûr l'enfermement dans l'étui réducteur d'une identité ou d'une appartenance communautaire. Donc je pense qu'à travers l'œuvre de François Julien, on pose bien avec rigueur les conditions aujourd'hui d'un dialogue qu'on puisse appeler interculturel et d'un ni ce survol facile, ni cet enfermement, cet étui communautaire. Alors, j'ai beaucoup aimé dans ses derniers livres, Entrer dans une pensée, cher François, j'ai beaucoup aimé Entrer dans une pensée, livre vraiment pour moi très vif et très presque chaque page est éclairante. Et par exemple, tu signales dans cet ouvrage qu'une langue ne se résume pas. Ça me paraît une évidence majeure et très intéressante à méditer. Une langue ne se survole pas. Nous ne la possédons pas, c'est elle qui nous possède. On ne peut pas plus dire ma langue que ma culture, ce sont des possessifs de brutes, puisqu'on n'a pas avec elle un rapport instrumental simple. Alors, on peut s'emparer d'un outil, on ne peut pas s'emparer d'une langue. Ou du moins, pas de la même façon. Et la différence entre notre rapport à l'outil, rapport technique, et la différence entre sujet linguistique, rapport pragmatique, c'est-à-dire rapport de sujet à sujet, rapport de culture à culture, rapport de valeurs à valeurs, est extraordinairement intéressant à creuser. Enfin, une relation technique n'est pas une relation pragmatique. Une relation technique, c'est le sujet face à l'objet. Une relation pragmatique, c'est un sujet face à un autre sujet. Et ce sont deux mondes de relations extraordinairement différents et intéressants à méditer dans leurs différences. Donc, on ne peut pas dire ma langue, Et toute culture, fonctionnant comme langue précisément, fait que nous y sommes pris. Et non pas que nous la prenons, que nous la survolons, que nous la résumons. Donc ceci aiguise la question de comment construire le commun de cette fameuse communication, à travers ou par-delà des clôtures qui, justement, ne sont pas seulement de surface. Comment retrouver ou atteindre ce foncier? Alors, chez François Julien, il y a aussi très souvent cette descente au foncier, notamment par l'analyse de la peinture chinoise, la grande image de plateforme, ce foncier qui est cet humus commun à l'humanité. Après tout, dans humanité, il y a humus. Et sous l'humanité, il y a un humus à retrouver, un foncier à toucher. Mais ce foncier qui est primaire au sens, je dirais, freudien, c'est-à-dire qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas articulé, mais se découpera peu à peu en terroir, en territoire, cet humus, qui seront reliés par des centres, par des passages, et toute la question est justement des passages et des centres étroites serpentant à travers les cultures. Comment partage-t-on le sens et le sensible, et jusqu'à quel point? Je pense aussi au livre de Rancière, éclairant pour moi, le partage du sensible, mais justement, c'est une problématique très, très forte et très intéressante. Alors, c'est ici que je voudrais marquer la belle ambiguïté du mot partage, puisque l'humanité en partage veut dire que nous l'avons, cette humanité, entre nous, nous l'avons en commun, mais elle ne se donne que partagée. Elle ne se donne que, je veux dire, morceau par morceau, partes extra partes. Elle ne se donne que morcelée. Elle ne se donne pas ni en résumé, ni en surplomb, ni en intuition transcendantale, philosophique, que sais-je. Mais distribué en culture et en clôture irréductible. Donc partage est un mot fort parce qu'il relève à la fois, il enferme à la fois, il véhicule l'idée de partition de coupure et aussi, bien sûr, l'idée de continuité et de mise en commun. Alors, puisque nous sommes prévenus maintenant contre les illusions d'un universalisme presque instant, comme l'instant coffee, ça me rappelle un dessin très amusant, de même qu'il y a instant coffee, il y a maintenant instant démocratie, n'est-ce pas? On parachute la démocratie sur des champs de bataille, on parachute l'humanité sur des champs de bataille, instant humanité, instant démocratie. Bon, alors, justement, il n'y a rien d'instantané dans ces choses-là, au contraire. Tout cela se gagne par des parcours, par des traductions, par des approches extrêmement laborieuses. Trop souvent, n'est-ce pas, quand on regarde par-dessus la clôture de la culture, eh bien, cet arasement des haies et des enclosures prend assez souvent la forme de la conquête, ou a pris historiquement, bien sûr, la forme de la négation de l'autre, chaque fois que l'humanité ou l'universel, comme le socialisme en URSS, a voulu se construire dans un seul pays. Chaque fois que l'homme blanc, par exemple, a cédé à son vieux démon de croisade missionnaire. Alors, ça, c'était pour mon propos sur culture-clôture. Je voudrais dire un mot à ce sujet maintenant des heures et malheurs de l'universalisme. Ce projet à la fois civilisateur, humaniste, donc de l'Occident. Alors, je disais que un idiome universel ne serait pas un progrès. L'espéranto n'engendre pas la mémoire affective de l'idiome maternel. Peut-être serais-je contredit par des gens qui pratiquent l'espéranto. Je n'en connais pas. J'aimerais bien rencontrer des gens qui parient sur l'espéranto. Parce que c'est un pari qui me paraît extraordinairement paradoxal. Mais je sais que ça existe. Bon. Parce que une langue, ce sont des attaches primaires, ce sont des connivences, et la notion de connivence est au cœur de la réflexion de François dans des livres récents, et je voudrais aussi en dire un mot. Ce sont, comme dit mon cher Aragon, des mondes charnels. Le poète habite des mondes charnels, c'est-à-dire des mondes qui sont enracinés dans un corps et qui doivent beaucoup à ce corps, dans ce milieu vivant, ce biotope, qui n'est pas, disons, négociable ni échangeable. Et c'est cela le terreau de la littérature, le terreau des poèmes, et sans doute le terreau de l'esthétique en général, de notre vie esthétique en général, pas seulement artistique, mais esthétique. Pas seulement littéraire, mais esthétique au sens étymologique. Et donc le projet d'une langue universelle ou d'une unification linguistique, merci Françoise, de la Terre ne semble dans un avenir prévisible ni souhaitable ni possible. Et une métaculture, une culture des cultures, une langue des langues, obtenue comment? Par survol, par échantillonnage, par compilation ou best-of, tirée de ce que chacune offrirait de meilleur, je crois que cette synthèse aurait à peu près la saveur des plateaux repas servis dans les avions, c'est-à-dire « less objection food ». On élimine tout ce qui peut faire obstacle au goût de chacun. Le résultat est assez navrant, enfin, sur le plan culinaire. Bon. Il faut réfléchir aussi à ça, au plateau repas des avions. Enfin, c'est un bon exemple, je crois, d'un universel par le moins. Enfin, on retire tout ce qui fait, tout ce qui fait problème. La synthèse des cultures ne dégage pas de plus-value et nous oriente vers l'appauvrissement des parcs à thème. Un bon exemple de culture par le bas, c'est le parc à thème, parce qu'il est fait de la soustraction. Enfin, on prend le best-of de chaque culture et on en fait un package acceptable. Hein, et par les enfants, c'est-à-dire par les petits êtres acritiques qui vont barboter dans un universalisme de la souris ou de la peluche. Bon. Cette insurmontable diversité des langues, j'y reviens, un bon indice de nos cultures culturelles qui nous sécurisent. Hein. Dans Écume, Sloterdijk a développé quelques vertus de ce qu'il appelle le phonotope. Le phonotope, c'est-à-dire l'espace de reconnaissance des sons par chacun. Chacun voyage dans un phonotope, dans son propre phonotope, et on reconnaît la frontière du phonotope aux zones où le signal faiblit. Au-delà de cette ligne, un effroi guette l'usager, l'individu. C'est l'ouverture du monde qui fait surgir le bruit, comme nous disons en communication, le bruit qui s'oppose à l'information. Enfin, le bruit impensable, où s'enveloppe précisément l'autre culture ou le monde des autres. Les grandes découvertes du XVIe siècle ont mené l'homme occidental au bord de ce gouffre bariolé de chimères et de rêves. Montaigne, méditant devant les sauvages débarqués des caravelles du Nouveau Monde, à Bordeaux, sur le quai de Bordeaux, a bien fixé ce vertige. Amplifié par le cri de Pascal, opposant la prière et la peur au silence éternel des espaces infinis, de ces espaces infinis. Donc devant cet espace, cette ouverture de l'espace, la parole défaille, devant ce bruit ou ce silence, c'est la même chose. Et la révolution copernicienne, qui a fait sauter sans retour le toit du monde, le chez-soi séculaire, eh bien, a infiltré un froid cosmique dans la maison des hommes, désormais fragile petite boule bleue et blanche flottant dans le ciel noir. Alors le chez-soi a pris une autre allure, n'est-ce pas, depuis ces révélations du satellite, sous l'œil du satellite. Mais que veut dire chez-soi aujourd'hui, à l'heure du satellite et à l'heure de la mondialisation? Est-ce que ces coupures ou clôtures culturelles sont de regrettables archaïsmes, sont relevables, dirait un hegelien, n'est-ce pas, le Laufebung, sont solubles? Parce que la prédication philosophico-religieuse, la raison au nom de l'humanité ou la marche triomphante du capital nous promettent cet arrasement des enclosures, des étuis, des crampes identitaires. La promesse du fluide, du mobile, du nomade marque notre époque et semble célébrer un monde où en effet on pourrait vivre sans frontières. Alors, pourtant, aujourd'hui, ce qu'on sait, et ce qu'on a mis en évidence avec Régis au colloque sur les frontières, c'est en effet qu'il y a plus de murs érigés par l'humanité qu'il n'y a de frontières ouvertes. En Europe, par exemple, il y a plus de nations aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y a une émergence des particularismes, des enclosures, des mondes propres. Il y a une reconstitution des mondes propres. Il y a une guerre que le clos fait à l'ouvert, que le visqueux fait au fluide, que le sédentaire fait au nomade. Et cette guerre se confond avec l'Occident colonisateur qui, depuis le XVIe siècle, a mené contre le reste du monde cette guerre d'ouverture. Qu'est-ce que la culture occidentale, en effet, ce génie propre de l'Occident, sinon, sans doute, d'avoir voulu élargir sa base en sautant successivement par-dessus ses successives clôtures? Alors, c'est le propre de l'homme, dira-t-on. L'homme est celui que sa condition animale ne satisfait pas, et donc qui, impatient de relever le défi, n'arrête pas de défier l'infini, ou l'autre monde, ou un monde autre. L'homme est l'espèce transgressive, par excellence, n'est-ce pas ? L'espèce inquiète, comme on le dit souvent. Alors, bien sûr, la culture occidentale a renforcé ce trait de conditions historiques ou techniques. Par vocation, je crois, l'Occident semble sans frontières. Alors, un peuple ou une entité historique sans frontières, c'est très dangereux. Et parce que, évidemment, c'est l'expansion conquérante, c'est constamment le harcèlement des autres. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces formes advenues de sans-frontiérisme soient l'incarnation de la raison. Ce rationalisme conquérant a, bien sûr, joué le rouleau compresseur des autres cultures. Culture qu'on ne peut penser qu'au pluriel. Le bariolage des savoirs et des saveurs, il faut toujours associer savoir et saveur, répandu à la surface de la Terre, cadre mal avec le monolinguisme. Et donc, la frontière, le monde du sens, le monde des saveurs semblent étroitement corrélés. Les saveurs sont des valeurs locales. On traduit assez bien les romans, plus difficilement les poèmes venus des autres langues. De même, l'histoire, la cuisine, la musique ou la religion s'exportent en pratique assez mal. Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, page célèbre, a souligné la qualité particulière du rhum de la Jamaïque quand il est bu auprès des vieilles cuves de distillation et la dégradation inéluctable de ce rhum à l'exportation. Sartre, parallèlement, a soutenu que les bananes n'ont vraiment bon goût que sur le lieu de leur production. Je ne sais pas si Sartre grimpait au cocotier, n'est-ce pas, ou au bananier pour décrocher les fruits, mais c'est on n'imagine pas. C'est très bas, la banane, oui, la banane, c'est possible pour Sartre. Bref, la banane n'est bonne vraiment qu'au pied du bananier. Bon. Alors, ces boutades, disons, nous rappellent une question d'écologie fondamentale, c'est-à-dire la saveur du milieu. Nos goûts et nos saveurs sont médio-dépendants. Sont médio-dépendants, c'est-à-dire dépendent de nos écosystèmes, de notre écologie, de notre biotope de vivant. Alors, les valeurs, bien sûr, dans certains contextes... Alors, qu'en est-il des valeurs? Est-ce que c'est comme les saveurs? Alors, dans certains contextes, imposer mes valeurs à l'autre revient à un abus de nature coloniale. Inversement, renoncer à les imposer dans certains contextes revient à une lâcheté ou une violence. J'étais très frappé par la question du procès des Khmers rouges à Phnom Penh. J'étais à Phnom Penh il y a quelques années et j'ai beaucoup discuté de ça localement. Et je leur disais, mais bien sûr qu'il faut un procès. Mais moi, mon argumentation occidentale de maintenez l'idée de procès, c'est très important, se heurtait en me renvoyant en boomerang que c'était une idée que c'était du colonialisme juridique, judiciaire. Hein, et qu'eux, ils avaient d'autres façons de régler les questions comme cela que le procès. Alors, ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? On se dit, mais la meilleure des choses à faire, c'est un procès. Mais c'est notre façon de réfléchir, n'est-ce pas? Et peut-être que... Alors, c'est intéressant de voir comment des peuples aussi différents que le Rwanda, que l'Afrique du Sud, que le Maroc, que l'Argentine, ont hésité énormément dans ces questions de réparation, de génocide, d'atrocité, et comment... Bon, c'est pas forcément le procès qui a été choisi comme la meilleure solution. Mais, bon, est-ce que la justice, justement, comment s'exporte la justice? Il faut un TPI. Il faut un TPI. Mais nous militons pour ça, nous, occidentaux, militons pour un TPI. Mais est-ce que c'est la façon universelle de régler les questions aussi douloureuses que la question du Rwanda, la question de l'Argentine? C'est pas évident. Donc, je ferme, mais là, on pourrait passer une journée à discuter ça. Je ne fais que pointer la question qui me paraît absolument cruciale et brûlante pour notre débat. Et donc, ces débats partout agités autour du multiculturalisme, je crois, donnent aux recherches de François une évidente actualité. Comment allons-nous régler le curseur entre, disons, notre modèle intégrateur républicain et, pour prendre un exemple un peu extrême à l'opposé, le choix canadien? Il y a bien sûr un curseur, et où s'arrête-t-il? Alors, je ne fais que pointer cette difficulté, et j'en viens à mon troisième point, mais je vais accélérer, je vais m'acheminer vers la conclusion. Et mon troisième point, ce sera pour parler justement du tournant esthétique ou du tournant médiologique. Peut-être ce qu'on pourrait appeler l'empire du milieu, puisque ce terme a pris beaucoup d'importance dans les écrits de François Julien. Alors, je disais que les goûts ne se raisonnent pas, les goûts ne peuvent prétendre à l'universel. Ils se discutent sans fin, bien sûr, dans la mesure où chaque sujet esthétique est enraciné dans une culture contingente. Nul ne saute par-dessus son corps, nul ne saute par-dessus sa clôture, et cette dépendance au milieu se trouve, alors aujourd'hui contredite, je l'ai dit, par un autre impératif qui est l'impératif universaliste. Face à cette question cruciale, demandons-nous peut-être ce qui se mondialise bien et ce qui ne circule pas. Ce qui se mondialise bien, à l'évidence, c'est une question critique, c'est une question kantienne, n'est-ce pas? qu'est-ce qui se mondialise bien? À l'évidence, les technologies, certains services, le commerce universel, la finance bien sûr, bref, tout ce qui se détache et se met en orbite autour de la Terre, la spéculation monétaire, la pharmacie, les pièces détachées de voitures qui fonctionnent partout de la même façon, quel que soit un embrayage Renault ou un café d'aspirine, sera partout le même à Tokyo, à Singapour, à Paris, etc. Donc c'est intéressant de réfléchir à ce qui est plaçable en orbite, ce qui est mondialisable. Inversement, l'histoire, je l'ai dit, la religion, les mœurs, l'art ou l'expérience mystérieuse de la beauté, et en général tout ce qui relève de la sphère esthétique, au sens large, de sujets définis par la spécificité de leur corps et leur appartenance à un monde propre, notion cruciale toujours de monde propre, eh bien cela ne voyage pas. Ou du moins cela adhère tenacement à d'anciens parapets, comme disait Rimbaud, les anciens parapets. Et cela présente un fort coefficient de drag, D-R-A-G. J'ai trouvé ce nom chez Bowman, le sociologue polonais. Le drag, c'est le coefficient de drag, c'est ce qui empêche un employé de la Silicon Valley, par exemple, de prendre un emploi ailleurs. La drag, c'est le drag, c'est le fait qu'on est attaché par une famille, par un job, qu'on ne peut pas voyager facilement. Bon, il y a du drag, on est scotché, on est fixé. Alors, il y a beaucoup de drag dans quantité de traits de caractère appartenant, relevant des mondes propres. Et donc, il est très... Par exemple, la beauté. Bon, qu'en est-il d'un concours de Miss Monde? Est-ce qu'on peut valablement penser qu'il y a une beauté mondialement admirable? Alors, bien sûr, on fait des concours de Miss Monde, mais qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vaut? Donc, je crois que ces paramètres esthétiques sont un bon indice de ces forces de frottement qui nous empêchent, sur la plupart des plans qui ne sont ni du commerce ni des échanges techniques ou scientifiques, qui nous empêchent de nous sentir mondiaux ou universels, mais au contraire, durablement immergés dans le choc des civilisations, c'est un immiscible, ni négociable, et voué à s'affronter. Alors j'aime bien la phrase de Hölderlin, que je cite assez souvent, « L'homme habite en poète sur cette terre ». Parce que la notion d'habitation, la notion de chez-soi, tellement mystérieuse et intéressante à creuser. Chez-soi, ça veut dire casa, n'est-ce pas? Dans le chez, c'est l'étymologie de casa, la maison. Dans ce chez-soi, il y a à la fois alors, la tâche linguistique, la tâche culturelle qui constitue la poésie. N'est-ce pas? La poésie se nourrit et surgit de ce surlignement de la tâche linguistique, de la tâche phonétique, syntaxique d'une langue, d'un médium linguistique qui n'est pas universalisable, à la différence de la prose du commerce ou de la communication vernaculaire. Et donc la mondialisation serait par essence prosaïque, dans la mesure où elle néglige justement ses attaches particulières, les nuances, les saveurs locales, les forces de frottement, le drag, etc. Mais est-ce que Picasso, Wagner, Mallarmé ou le vin de Bordeaux sont universellement appréciables? On pense oui, mais c'est pas vrai. Et si les industries culturelles, par leur dynamisme propre, un blockbuster lancé à l'échelle mondiale, un roman Da Vinci Code lancé dans 40 pays en traduction simultanée, tout ça enjambe bien les frontières, mais demandons-nous à quel prix, selon quel délestage, selon quelle justement édulcoration du message. Et donc en visant l'homme quelconque et le spectateur plutôt que l'acteur, le consommateur plutôt que le producteur, ces formatages de l'image et du son vise un monde lisse, un monde disneylandisé, le monde du tourisme universel où les différences se folklorisent et se muséifient. Alors, inversement, l'art véritable, je crois, entraîne ce que Blanchot appelait un entretien infini, c'est-à-dire il résiste à un survol ou une appréciation globale ou à un commerce mondial, un regard zappeur. Je dirais pour résumer qu'un goût ne peut pas devenir universel sans perdre en sel. Et que l'expérience esthétique n'existe que locale, c'est-à-dire affrontée. Et que les joutes sur les jugements de goût, ces disputes ne sont pas logiques, bien sûr, on n'argumente pas, on ne raisonne pas, mais on argumente. Alors c'est intéressant de voir justement ce que c'est que l'argumentation esthétique versus l'argumentation scientifique. Je passe là-dessus, qui est évidemment un problème très récurrent pour le philosophe, pour comprendre ce que veut dire habiter en poète sur la Terre. Alors, revenons à cette question étrange, mystérieuse, énorme, de milieu, l'empire du milieu. Nous puisons dans nos milieux une énergie vitale, non négociable, et le milieu est toujours une passion lourde, car vitale. Nul n'emporte son milieu à la semelle de ses souliers, et il est difficile de reconstruire ailleurs un milieu donné ou de départ, hors sol. Alors, Sloterdijk, dans Bulle, je crois que ça donne écume, prend longuement l'exemple de la capsule spatiale, pour montrer comment ce qu'il en coûte de reconstituer un milieu là où on est vraiment hors milieu. C'est-à-dire dans l'espace où il n'y a pas de pesanteur, ce que ça coûte d'avoir supprimé le facteur pesanteur du milieu terrestre, par exemple. Comment la capsule spatiale doit penser à des paramètres qui vont absolument de soi ici-bas, et qui posent mille problèmes là-bas. C'est intéressant comme exemple, parce que tout ce qu'il faut investir pour reconstituer un milieu, ce qui est gratuit ici, devient extrêmement coûteux là, dans l'autre direction. C'est intéressant de réfléchir à ce qu'apporte un milieu, ce qu'il en coûte quand ce milieu commence à s'effriter ou à manquer. Et donc, le milieu est précisément pourvoyeur de nostalgie, et au fond, le terme même de nostalgie veut dire, je crois, il n'est de nostalgie que du milieu, ou que du foyer perdu, du Heimat ou du chez-soi originel. Alors, ces questions de milieu, je crois, sont extraordinairement intéressantes, parce que le milieu n'est pas un objet. Alors, les psychanalystes ont forgé une notion pour dire ce qui n'est pas un objet, la notion de n'objet, non-objet, n'objet. Alors, un milieu est sur le mode du n'objet, c'est-à-dire, nous ne l'avons pas en face. L'objet, c'est ce qu'on voit en face. Le milieu, c'est H2O pour le poisson. Jamais H2O ne sera chimique pour le poisson. C'est son milieu. C'est-à-dire, ça ne fait pas de problème. C'est lui. Mon milieu, c'est moi. C'est le prolongement de mon corps. C'est cet environnement fluide dans lequel j'évolue, justement, sans obstacle, sans confrontation, sans panne. Voilà. On connaît le milieu quand il tombe en panne. Tant qu'il va bien, le milieu marche. Ça va. D'abord, la question, ça va justement en termes de Tao et de voix. Eh bien, le milieu va. Il me va. Voilà. Il me va. Et je vais en lui. Et je suis, presque inconsciemment et somnambuliquement, les bifurcations de mon milieu. J'ai toujours la pente de l'eau qui remplit ses cuvettes successivement. C'est-à-dire, je vais vers le milieu tel qu'il me porte. Et je suis évidemment très soucieux d'éviter les milieux non porteurs ou moins porteurs. Et donc, il y a ce rapport de connivence et pas de connaissance avec nos milieux. L'empire du milieu, c'est vraiment intéressant à creuser, parce que ça ne relève pas d'une connaissance objective ni frontale, ça relève d'une connivence qui n'est pas explicite, mais qui demeure tacite, enveloppée. Ce n'est pas un savoir déclaratif, c'est un savoir procédural. Là aussi, il y aurait plein de distinctions à, disons, à documenter, à enrichir, mais je passe sur ces questions finalement bien connues. Le milieu est tacite. Cette connivence caractérise notre rapport au milieu. Au fond, ce sont les échanges d'une vie implicite, que nous avons avec notre milieu, d'une vie dans les plis, comme dit très bien Michaud, le poète Michaud. Une vie dans les plis, c'est-à-dire une vie enveloppée, une vie implicite. Et par exemple, la complicité des pieds avec le fragile pont de singe dont tu as fait un livre, François. La complicité des pieds vietnamiens avec ces fragiles cordes lancées sur la rivière, les ponts de singe. Alors, cette équivoque notion de milieu croise bien sûr celle de patrie, où s'insinue dans la patrie beaucoup de matrie. Hébert Morin a développé ce point de façon, à mes yeux, éclairant, intéressant. Les connotations paternelles, maternelles de la patrie, qui combinent l'ordre symbolique avec des attaches primaires venues de l'enfance. Cette notion patrie, qui est rendue obsolète par plusieurs décennies de paix, et aujourd'hui qu'appelle la détestation autant que le chérissement, la culture nous invite à perdre la patrie, les prolétaires n'ont pas de patrie, autant qu'à la sauver ou à la préserver. Un peu de culture incite à sauter les frontières, plus de culture peut-être nous ramène en deçà, nous aidant à mieux comprendre la nécessité, la permanence de ces fameuses frontières enclosures. Et donc une égale barbarie menace, tantôt du côté de la crampe patriotique, comme dans l'étourderie internationaliste. Donc, être civilisé à l'époque de la globalisation, ce serait combiner sans doute diverses appartenance ou identité, du local, du plus proche, au mondial. Et on voit l'écologie elle-même emboîter ces différents niveaux, puisque la Terre, eh bien, et l'écologie veille sur la Terre dans son ensemble, la boule bleue fragile dans l'espace, sans perdre le souci du propre, du proche, du micro. Le milieu commence dans mes fibres et il s'étend jusqu'aux étoiles. Donc, tout cela, évidemment, est assez intéressant à problématiser. Être cultivé, ce serait tenter peut-être une difficile réflexivité sur ses conditions de sortie. Arracher sa pensée aux anciens parapets, à ses idiotismes, en direction du monde des autres. Et là, la seule visée, et là, François Julien est très argumenté, et très, je crois, crucial, eh bien, c'est l'impératif de la traduction. Et la traduction, que je qualifierais de le pont des signes, comment construire le pont des signes, n'est-ce pas ? Comment sauver ce qui se perd nécessairement quand on change de langue ? Puisque ça exige la traduction, une conscience profonde des niveaux enfouis, commandés en nous par la syntaxe, la grammaire, la langue, le lexique, et qui emporte toujours avec lui, avec elle, la pensée, cette langue. Traduire, c'est décatégoriser pour recatégoriser. Et donc, c'est un point absolument crucial et capital. Comment faire effectivement dialoguer les cultures, c'est-à-dire sans impérialisme idéologique ni ethnocentrisme. Alors, il y a des exemples très savoureux d'ethnocentrisme dans les traductions que tu prends des autres, enfin, qui ont passé le rouleau compresseur, ce qui est très, comment dire, intéressant, parce qu'au nom d'une très bonne volonté culturelle, n'est-ce pas, on traduit en faisant une violence extraordinaire à la pensée de l'autre, ou à l'autre langue, mais avec la meilleure volonté du monde, c'est-à-dire pour la rapprocher, pour la rendre intelligible, pour la faire comprendre à nos propres catégories, à notre propre entendement. Et donc, il y a un effet de rouleau compresseur et d'écrasement des enclosures dans des traductions absolument violentes et barbares pour le message de l'autre, la langue de l'autre. Au nom d'une communication, d'un commun, et d'une affirmation prématurée de ce commun, eh bien, on impose au texte d'origine de ses propres catégories, on émousse ces parfois minuscules écarts qui font tout le sel, justement, et toute la connivence et tout le prix de la langue de l'autre. On cède à ce rouleau compresseur de la mondialisation, on lamine l'altérité de l'autre culture en installant la pensée ou la phraséologie occidentale partout chez elle. Beisich, le fameux Beisich hegelien, qui a fait tellement de dégâts, évidemment, dans cette histoire. Alors, je termine. Pour un mot sur les partages écologiques, médiologiques, éco et médiologiques. Le partage de éco et de médio. Parce que nous, avec notre revue médium, François, je me tourne vers toi, et notre activité de médiologue, on est à la fois entre le milieu au sens écologique et les médias au sens de la communication des masses médias ou des médias anciens ou nouveaux qui favorisent ou qui prétendent en effet accomplir cette fabuleuse communication. Donc cette équivoque notion de milieu, qui est lui-même un mot valise extraordinaire, se laisse mal découper. Un milieu, ça ne se découpe pas bien. La carte découpe un territoire, mais sous les frontières, bien sûr, le milieu continue. Et donc, une carte est en général bien plus discontinue qu'un territoire. La culture est parfois tributaire de ces milieux naturels, elle s'adosse, elle s'étaye sur ces frontières naturelles. Une île, une rivière, un fleuve, le Rhin, des falaises, des bords de mer, etc. Bon, il y a là des frontières parfois dans le territoire, mais en général la carte a plus de frontières que le territoire. Donc les partages symboliques s'étayent éventuellement sur les différences naturelles qui donnent force à la loi, mais la loi symbolique impose des frontières qui ne sont pas dans la nature. Et bien sûr, c'est dramatique en Afrique où il y a des frontières, des partages aberrants, des partages coloniaux qui demeurent, etc. Nous connaissons tout cela. Le propre du milieu semble de jouer la continuité sous les discontinuités ou les marquages symboliques secondaires de surface. La carte n'est pas le territoire. Celui-ci, bien réel, est profond et sourdement continu. La carte est superficielle, arbitraire, symbolique et montre des discontinuités parfois infranchissables. Donc, le milieu est rebelle, souvent aux inscriptions, comme la mer. Quelle frontière entre la mer Tyrrhénéenne et la mer Égée, quelle frontière entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, bien malin, qui la fera, qui la tracera. Parfaitement. Absolument. J'y suis. Merci. Eh bien, je terminerai par peut-être rapprocher ce qu'on appelle le symbolique, notamment en psychanalyse, et pas seulement, en linguistique aussi, et le corps. Il faudrait, je crois, pour argumenter le propos que je viens de tenir, songer davantage à l'articulation du symbolique avec le corps. Je disais que ma pensée dépend de ma langue à un degré impensable. Je suis, du verbe suivre, ma langue. C'est-à-dire, je, inextricablement, son pouvoir structurant donna ses plus beaux effets au structuralisme, notamment chez Lacan. Eh bien, de même, on dira que je suis, du verbe être, mon corps. Et qu'il n'y a pas de métacorps non plus que de corps commun ni universel. Les corps sont distribués, discrets, discontinus, ils dépendent ici et là d'un milieu, d'une histoire, ils sont inscrits dans une clôture, une culture. Question d'enveloppe, un corps ne peut toucher les autres corps, pardon, un corps peut toucher les autres corps, mais il ne peut pas les comprendre au sens physique du terme. Sauf relation sexuelle quand même très, comment dire, lacunaire. On ne peut pas envelopper l'autre corps au plus fort de la relation sexuelle. Néanmoins, la pulsion est là, bien sûr. La pulsion physique d'enveloppe est là. Mais il y a une impénétrabilité majeure et manifeste de l'autre corps. Impénétrabilité physique, mentale, culturelle, etc. Ce corps est à la fois ouvert au monde et aux autres, dont il reçoit énergie et information, mais il n'en est pas moins rigoureusement clos, donc dialectique bien sûr du clos et de l'ouvert, mais les ouvertures très sélectives du corps obéissent au principe de la pertinence. Un corps ne réagit qu'aux signaux qu'il sait reconnaître et traiter. Alors, ce point de la pertinence est absolument crucial, mais bien sûr, je passe. Dans l'œuvre de Roland Barthes, on sait que le mot « corps » a pris peu à peu la place de l'ordre symbolique ou de la culture, pour désigner le propre et insister sur cette clôture. Par exemple, page de Barthes, le corps japonais. On peut bien sûr trouver que c'est insuffisant, l'invention de Barthes, mais il a, à la fin de sa vie, énormément mis en exergue, en valeur, cette notion de corps. Et les vertus de l'incarnation, tout cela fait bien sûr référence à ce que je disais sur l'autoréférence, sur cette mystérieuse autoréférence du corps à lui-même. La clôture du corps radicalise la clôture de la langue, de la culture, des frontières, et nous rappelle que nos élans vers l'universel, tout ce qu'ils doivent, tout ce que ces élans nous font oublier, à quel prix nous sommes des êtres locaux, situés, racinés, et nous sommes dans un sol, et nous confondons ce sol avec le soleil. C'est assez intéressant, comme chacun voit le soleil à sa porte, là, sur son sol. Mais bon, il y a d'autres soleils, il n'y a pas qu'un soleil, bien sûr, et c'est ça aussi la fin de l'universalisme philosophique. Alors, je dirais, pour conclure vraiment en une minute, que ce que je trouve de très intéressant chez François Julien, dans son œuvre qui me donne constamment à penser, c'est qu'après le linguistic turn, est apparu le tournant culturaliste, qui affirme la pluralité irréversible insurmontable des cultures. Mais aussi le tournant pragmatique, celui du dialogue justement, qui remplace la dialectique ou la téléologie d'un Hegel manifestement aimanté par le cap européen ou prussien. Cette naïve téléologie est morte bien sûr, et il s'agit au contraire maintenant de dialoguer horizontalement et non plus en direction d'un télos vertical. Eh bien, ce tournant pragmatique, qui serait trop long de détailler ici, est au cœur, je crois, de cette approche. Et c'est solidaire d'un tournant esthétique. C'est-à-dire que, et là il faudrait développer sur l'approche indicielle, les indices sont les signes qui ne coupent pas le monde en deux, contrairement aux signes linguistiques. Et l'indicialité est un facteur de connivence, et un facteur esthétique qui laisse la prise ondoyante et lâche, qui est ouverte à l'interprétation et aux facettes des phénomènes. L'indicialité. Eh bien, en observant les phénomènes sous l'angle du devenir et dans leur évolution, le tournant esthétique capte ces fluctuations en laissant cohabiter les contraires. Et enfin, il y a le tournant médiologique au sens large, qui est la pensée du milieu, et à la fois écologique et médiatique. Eh bien, voilà, pour conclure, c'est que, en fait, François dit souvent « Montaigne, c'est le plus chinois de nos philosophes, le moins chinois serait certainement Kant ». Qui a érigé l'espace et le temps en cadre transcendant de la sensibilité, la loi morale en impératif catégorique, et qui a découpé notre entendement en catégories universelles. Eh bien, François, tu as envoyé cette métaphysique par le fond, en direction d'un foncier qui doit veiller dorénavant sur chaque figure, un humus qui doit veiller sur chaque parcelle de l'humanité, et qui hante nos déterminations et nos clôtures. Je vous remercie. Merci. Merci.